io to ghermita ti serro palpitante sei mia sì per l'amore vieni vieni via dall'anima in pena dall'angoscia paurosa e la festa mia quando dormi ogni cosa vieni, vieni 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。

l'étrangle des six trous tentés avec un éclat métallique et sur cette étrange musique les dingueries la se lever dans pour de basse galer le train et les guitares forcenées grincées sous des mains obstinées et mes chansons et mes refrains mais mes chansons mais les mots 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。